Vivre Libre, Raphaël Bonny. Vivre Libre, Liberté en Christ. Vivre Libre, Vivre Libre, une émission de Fréquence Vie. Amis auditeurs, bienvenue à votre émission Vivre Libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est notre slogan, c'est le verset de la Bible qui nous conduit, qui nous dirige dans le cadre de cette émission. Liberté en Christ. D'une manière ou d'une autre, Jésus intervient dans notre vie. Dès que nous avons fait de lui notre Seigneur, notre Sauveur, il intervient certainement. Le désir du Seigneur pour vous, pour chacun de nous, c'est que nous puissions vivre notre existence dans sa liberté. Mmh. Une profonde liberté dans une totale communion avec lui. Amis auditeurs, beaucoup de choses peuvent bien rendre esclave un être humain. Oui, un animal n'est pas esclave d'un lien quelconque. Ce sont des êtres humains. Et Jésus dit, il est venu nous affranchir. Celui que nous avons écouté a vécu une expérience personnelle de liberté en Jésus-Christ. Tout le long de cette émission, il va nous servir de consultant et il va nous partager son expérience pratique. De quoi êtes-vous esclave? De quoi êtes-vous lié? Amis auditeurs, écoutez bien, tirez instruction et que cela vous serve aussi pour instruire et aider d'autres personnes qui se trouvent dans le même lien. Nous parlons bien de l'alcoolisme. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon ami. Alors, vous allez vous présenter à nos auditeurs et nous entrerons pratiquement dans notre sujet. Mon nom est Néan Taï Félix. Je suis pasteur à l'église USO à Tabou. Mmh. Et je suis au service du Seigneur depuis 1981. Ma spécialité au service du Seigneur, c'est la lutte contre l'alcoolisme et les drogues. Mmh. Et j'ai été formé par la Croix-Bleue avec laquelle je travaille. Mm. Vous avez parlé de liberté. Oui, Christ nous a appelés à être libres. Parce que s'il nous a réellement affranchis, on est libre. Mm. Lorsque on arrive dans ce domaine de l'alcoolisme et des drogues qui créent la dépendance, les gens nous posent beaucoup de questions. La Bible n'interdit pas la consommation de l'alcool. Mais la même Bible qui n'interdit pas la consommation de l'alcool dit bien que les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors là, il y a problème. Mm-hmm. Parce que on ne devient pas consommateur d'alcool si on n'a pas commencé un jour à consommer de l'alcool. Oui, ça commence toujours quelque part. Ça commence toujours quelque part. Alors, voilà la difficulté qu'il y a. Beaucoup de chrétiens se posent des questions, mais pourquoi dans les églises évangéliques, on interdit aux gens de boire? Nous, en tant que membres de la Croix-Bleue, en tant qu'agents de la Croix-Bleue, on n'interdit pas. On ne peut pas aussi donner la liberté aux gens de consommer de l'alcool. Oui, la Bible aussi dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Oui, c'est de la débauche. Mais la Bible ne dit pas strictement ne consommez pas de l'alcool, parce qu'il y a des passages aussi dans la Bible qui louent le vin. Mais ce que nous faisons pour essayer d'amener des gens à la raison, c'est de leur dire ce que c'est que l'alcool, ce que l'alcool fait dans leur corps. Mm-hmm. C'est à partir de cette réflexion que le chrétien est amené à vivre sa liberté en s'éloignant de l'alcool, ou bien à choisir l'esclavage en buvant de l'alcool. Alors, est-ce que il y a un verset ou est-ce que la Bible formellement, clairement dit de ne pas boire ou toucher à l'alcool? Vous l'avez dit, mais pour le redire. Non, la Bible ne le dit pas. Alors, qu'est-ce qu'elle dit alors? Oui, la Bible dit que les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Les ivrognes, c'est ceux qui sont esclaves, qui sont dépendants de l'alcool. Alors, la Bible ne dit pas que ceux qui boivent du vin n'hériteront pas le royaume des cieux. Non, non, non. La Bible ne dit pas ça parce que dans la Bible, on trouve des passages où il est écrit « Le vin réjouit le cœur de l'homme ». Donc, Jésus lui-même a bu du vin parce qu'il était juif. Il a pratiqué les traditions juives. Le juif buvait du vin. Il a même transformé l'eau en vin. Il a même transformé l'eau en vin pour symboliser le sacrifice qu'il devrait offrir à la croix. Donc, nous, à la Croix Bleue, on ne prohibe pas l'alcool. OK. Mais on enseigne. On démontre ce que l'alcool fait dans le corps humain. Alors, et pourquoi est-ce que l'apôtre Paul pouvait conseiller à Timothée de boire un peu de vin? C'est quoi beaucoup de personnes utilisent par exemple comme un argument. Oui, c'est un autre problème qui pousse les gens à boire. Un prétexte Un prétexte. Ils disent, l'apôtre Paul dit de consommer un peu. Mais quand Paul disait ça à Timothée, il y avait une raison. L'alcool, tout à l'heure nous allons le voir, est un tranquillisant. Il est stimulant. Il est tranquillisant. Il est même anesthésiste. Ah. Timothée avait un problème. Il a des vertus. Oui, il a certaines vertus. Timothée avait un problème d'estomac. Oui. Et il devait travailler beaucoup. Et la nuit, il avait des problèmes, il ne pouvait pas bien dormir. Alors, comme tranquillisant, Paul lui a dit, eh bien, prends un peu d'alcool pour que tu sois tranquille. Mais aujourd'hui, l'OMS est d'accord pour ne pas prescrire de l'alcool comme tranquillisant, comme thérapeutique à quelqu'un parce que l'alcool est susceptible de rendre esclave. Et puis, on peut le dire, si Paul et Timothée étaient de notre époque, ils trouveraient autre chose pour compenser le problème de Timothée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tranquillisants. Il y a beaucoup de somnifères qui permettent aux gens de dormir. Mais avant d'aller loin, qu'est-ce que l'alcool? Oui, nous allons parler. Oui. Qu'est-ce que l'alcool et comment est-ce qu'on devient alcoolique? Oui. Eh bien, l'alcool, c'est un produit incolore, c'est-à-dire n'a pas de couleur, d'une odeur caractéristique et d'un goût caustique. Il naît de la fermentation des produits végétaux, c'est-à-dire des oranges, de la banane, tout ce qui est sucré. Et comment obtient-on de l'alcool? Il suffit de presser le jus de ces fruits-là et de le laisser à l'air libre. À l'air libre, il y a des microbes appelés les levures naturelles qui se mettent en contact avec le sucre contenu dans le jus, qu'on appelle le moût. Ces microbes-là mangent le sucre qui se trouve dans le jus. Mais c'est en mangeant le sucre qu'un autre produit s'installe. C'est lui qui est amer, qui est caustique, c'est-à-dire qui brûle. Et c'est lui consommé qui agit sur l'esprit de l'homme. Donc c'est une transformation chimique et automatique. Si vous avez une banane pollo, vous la laissez ici, un jour elle est bien mûre, deux jours elle est bien mûre, trois jours, elle commence à se décomposer. Si vous goûtez la partie qui se décompose là, vous allez voir que ça n'a pas le même goût que la partie qui n'est pas décomposée. Ça veut dire que les levures sont rentrées là en train de faire leur travail. Et le produit que ces levures laissent, c'est ça qui agit sur l'esprit de l'homme. Et maintenant, il y a deux procédés de produire l'alcool. Le procédé que je viens d'expliquer, c'est, on appelle ça la fermentation. La fermentation va jusqu'à au moins 12 degrés. Mais à partir de 15 degrés, les levures ne peuvent plus vivre. ne peuvent plus continuer leur action. L'alcool fabriqué devient un danger. Donc, ils ne peuvent pas continuer. Donc, les alcools fermentés, il y a la bière, il y a le vin, il y a le cidre, il y a le chapalo qui titre entre 6 degrés et 8 degrés. 10 degrés peut-être à la rigueur. Mais à partir de là, les levures ne pouvant plus vivre, ne peuvent pas continuer leur action. Mais l'homme a trouvé un autre procédé qu'on appelle la distillation. On prend le produit distillé, le produit fermenté, on le met dans un récipient bien fermé, on y met du feu, et l'alcool, lorsque il y a la chaleur, l'alcool s'échappe à 78 degrés. Donc 78 degrés, l'alcool contenu dans le produit fermenté s'échappe sous forme de vapeur. De vapeur, oui. Et puisque le récipient est hermétiquement fermé, vous allez voir que la chaleur contenue dans le récipient va monter dans le tuyau qui va serpenter dans de l'eau froide et qui tombe là-bas. Non, c'est la chaleur qui c'est, monte. C'est la chaleur, c'est la vapeur qui monte dans ce tuyau-là. Et qui goûte. Qui passe dans l'eau froide et qui tombe en gouttelettes d'eau. Oui. Et ces gouttelettes d'eau-là, ce n'est plus de l'eau simple, mais c'est l'alcool fort qui va de 15 à 45 degrés et parfois à 95 degrés. On appelle ça l'alcool. Oui, l'alcool fort, ou bien les Français ont l'habitude d'appeler ça l'eau de vie. Mais moi, j'appelle ça l'eau des morts. Et quel nom est-ce que communément on utilise pour nommer cet alcool ici? Oui, c'est les liqueurs. Les liqueurs que certains nomment apéritifs, mais l'alcool n'est pas apéritif. Parce qu'on appelle apéritif ce qui aide à digérer. Mais l'alcool ne se digère pas. Il n'est pas un aliment, il ne se digère pas. Quand on fait des examens de sel, on n'y retrouve pas de l'alcool. Mais à ce stade-là, c'est le danger à l'usage de ce type d'alcool-là et peut aller jusqu'à la mort. Oui, ces alcools forts sont terribles. D'où le terme que vous avez utilisé. Oui, oui, l'alcool, ça c'est terrible. Mais ce qui est là, c'est que si l'alcool est moins fort, on en consomme plus et on rattrape l'alcool fort. Oui. C'est ça. Donc, ces deux procédés-là permettent à l'homme de fabriquer de l'alcool. J'étais au Cameroun, j'ai trouvé des pygmées dans la brousse qui fabriquaient de l'alcool. C'est pourquoi on ne peut pas nous dire si vous ne voulez pas qu'on boive, ne fabriquons pas de l'alcool. On ne peut pas interdire à l'humanité de ne jamais fabriquer de l'alcool. Parce que chaque culture, chaque coutume, chaque race a sa manière de produire sa consommation d'alcool. Oh, et depuis l'histoire de l'humanité avec Noé. Avec Noé. Donc, chaque personne a sa façon de fabriquer de l'alcool. Même si on arrêtait les sociétés, les brasseries en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens fabriqueraient leur alcool. Écoutez, où se trouvent les usines de Koutoukou en Côte d'Ivoire? On ne sait pas où, mais c'est comme des champignons qui sont dans nos jardins, dans les bourgades d'Abidjan. Il y a des sociétés organisées de production de Koutoukou. Alors, pour ainsi dire, est-ce qu'on pourrait dire que Dieu a créé l'alcool? Non, Dieu n'a pas créé l'alcool. C'est l'homme qui a inventé l'alcool. Dans toute la création, lorsque vous lisez Genèse 1 où Dieu a créé le monde, vous ne trouvez pas que Dieu a créé un jour l'alcool. Vous ne trouvez pas. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. C'est bon. Et nous-mêmes, nous l'attestons que c'est bon. Mais c'est l'homme dans son imagination qui a découvert. L'alcool est une découverte. Vous voyez, quand Noé a bu l'alcool et qu'il s'est dénudé devant ses enfants, il ne savait pas ce qu'il faisait. Donc, il a fait une découverte. C'est une découverte qu'il a faite. Et c'est ça qu'il a rendu comme ça. On ne peut pas imputer la création de l'alcool à Dieu, mais plutôt à l'homme. Oui, une invention humaine. Alors, pasteur, nous continuons dans l'origine de l'alcool et comment est-ce qu'on devient alcoolique. Oui. on ne naît pas alcoolique, ni on ne devient pas alcoolique le même jour qu'on commence à boire de l'alcool. Mm-hmm. L'alcool est caustique. Je tiens dans ma main une image. Prenons un verre d'une boisson africaine, telle que le kotoko. Il passe par la bouche. Lorsque vous avalez l'alcool, le consommateur prend une première gorgée. Mm-hmm. On sent qu'il y a un changement en lui. Oui. Il y a un changement. Il serre son visage. L'organisme démontre que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon. Alors, l'alcool brûle. Parfois, il peut pousser un cri. Mais là, au lieu d'arrêter, il se donne des noms. Chez moi, en pays cru, on dit « Je suis la panthère, je n'ai pas peur. » Et puis, on continue. Mais l'alcool descend l'œsophage avec la même brûlure. Il arrive dans l'estomac. Mais parce que là, c'est quand il s'agit de ce type d'alcool forte. Non, non, non. L'alcool, quel que soit ce qu'il est, il est alcool. Mais est-ce qu'on pourrait aussi, il pourrait bien s'agir aussi du vin qui se sert dans à l'église pour la Sainte Cène ou de la bouteille de vin. Le vin à l'église, c'est un symbole. Oui. C'est un symbole. Et les chrétiens doivent savoir que c'est un symbole. Le symbole, c'est une représentation. Ce n'est pas la chose vraie. Moi, je suis pasteur, mais je n'ai jamais donné du vin à la Sainte Cène. Alors, j'ai toujours utilisé un symbole de vin. D'accord, nous revenons. Mais le vin qu'on donne à la Sainte Cène, oui. Je suis d'accord qu'on utilise le vin, je ne suis pas contre. Mais c'est une petite quantité. Une petite quantité. Mais quand on consomme ça, on voit que ça brûle, ça fait du mal. Mm-hmm. Pour ceux qui ne sont pas habitués à l'alcool, il y a un changement. Moi, je ne bois pas quand... Si peu que ce soit, pour ceux qui ne sont pas habitués, oui, oui. Il y a toujours un effet. Il y a toujours un effet. D'accord, nous continuons dans notre expression. Oui, dans notre... Donc, l'alcool arrive dans l'estomac. Oui. L'estomac est le magasin où séjournent les aliments avant d'être transformés. Quand les aliments sont transformés, c'est ce qu'on appelle la digestion dans l'estomac. Il y a des muqueuses d'estomac qui produisent des sucres digestifs. Et ces sucres-là se mélangent aux aliments pour être rendus en bouillie et en sang. Mmh. La bonne partie, c'est le sang qui passe dans le sang pour fabriquer du sang, pour nourrir le corps. La mauvaise partie est rejetée dans les endroits secrets, dans les WC. Maintenant, l'alcool, quand il arrive dans l'estomac, il ne se digère pas, je le répète. Ceux qui disent que l'alcool est digestif, je voudrais faire un débat avec eux. Oui. L'alcool n'est pas un digestif. Là, il faut qu'on soit clair là-dessus, l'alcool ne se digère pas. Il ne se digère pas. À peine parvenu dans l'estomac, il passe à travers les muqueuses de l'estomac pour s'introduire dans le circuit sanguin à partir de l'intestin grêle et des muqueuses de l'estomac pour s'introduire dans le sang à travers le foie. Le foie est un organe, nous allons voir plus tard, qui est compliqué. Et du foie, l'alcool est conduit par la veine hépatique qui aboutit quelque part à la veine cave qui vient du cœur. Et la veine cave conduit l'alcool au cœur. De la même manière, l'alcool a brûlé dans le cœur. De cette même manière, l'alcool va chauffer le cœur. Alors, le cœur augmente les battements. Le sang n'a plus le temps de passer un moment. Il est chassé chaud vers les veines. Alors, il y a une dilatation des veines, ce qui donne la chaleur. Et on pense que l'alcool donne la force. Non, cette force-là n'est pas utilisable pour le travail. Puisque le cœur est le moteur du sang, et que le sang parcourt tout le corps pour nourrir le corps, pour débarrasser le corps de tout ce qui est mauvais, l'alcool rentre dans le circuit sanguin et il va parcourir tout le corps. C'est pourquoi les mauvais gens, les sorciers de nos villages, là, quand ils veulent te tuer, ils mettent l'alcool, ils mettent ton poison dans l'alcool. Comme ça va atteindre toute la partie qu'ils veulent. Donc, du cœur, l'alcool est chassé vers le cerveau. Le cerveau est le centre de la réflexion de l'homme. C'est le chef du gouvernement. Dans un pays, il y a toujours un chef du gouvernement, il y a un président de la République qui dirige. Mais quand l'alcool arrive là-bas, il fait ce qu'on appelle un coup d'État. Parce qu'il bouleverse tout le fonctionnement du cerveau. Oui. Les éléments tels que le cervelé qui contrôle l'équilibre du corps est atteint et l'homme ne peut plus contrôler son état équilibré. Il y a beaucoup de trucs, le nerf optique qui sont rattachés au cerveau va brûler et puis la vision est trouble et l'homme ne peut plus fonctionner. En ces moments, l'homme passe à un autre vécu. C'est là qu'on parle d'ivresse. L'homme parle, il ne se ressaisit pas parce que le cerveau n'est plus contrôlé par son état naturel. Mais il est contrôlé par un autre produit qu'on appelle un produit psychotrope. C'est comme ça que les gens deviennent ivres. Alors vous avez posé la question de savoir comment on devient alcoolique. Lorsqu'on consomme l'alcool et que l'alcool parvient au cerveau, on a une sensation de joie qu'on appelle l'euphorie. Ces petits moments euphoristiques-là, ça fait du plaisir. Alors, l'homme qui a bu aujourd'hui un peu d'alcool, qui s'est senti dégourdi, il a causé, il a parlé, demain, il va vouloir boire un peu d'alcool pour avoir les mêmes sensations. Et il va boire. Mais deux jours, trois jours après, avec la même dose, il n'arrive pas à atteindre la même joie. Parce que le corps, au fur et à mesure que tu bois, il tolère. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Il tolère, il accepte. Donc, il faut augmenter pour retrouver la même joie. Oui. Et en augmentant, il y a un besoin qui s'installe obligatoirement. Tu auras besoin, au lieu d'un verre, de deux verres, après une semaine, de trois, quatre verres, d'une bière, de deux bières, de trois bières. Et tu deviens dépendant pour rattraper toujours le vécu. Les mêmes effets. Les mêmes effets recherchés. C'est comme ça qu'on devient alcoolique. Alors, moi, je dis souvent aux gens, on n'arrive pas à l'université si on n'a pas commencé par le CPR. On n'a pas appris A, B, ça fait bas. Aujourd'hui, on dit bon, A, bas. Bon, O, beau. Si tu n'as pas commencé là, tu ne peux pas aller à l'université. Tu ne peux pas devenir alcoolique si tu n'as pas touché à l'alcool. Mais au fur et à mesure que tu commences à toucher à l'alcool, tu bois un peu pour te détendre, pour rire avec les amis. Mais un peu, le goût s'installe, le besoin euphoristique s'installe et demain, tu n'arriveras plus à contrôler ta consommation. J'ai vu beaucoup de gens, en tant qu'agent de la Croix-Bleue, j'ai vu beaucoup de gens qui ne buvaient pas, mais à force de goûter à l'alcool, qui sont devenus des dépendants de l'alcool. C'est comme ça qu'on devient dépendant de l'alcool. C'est au fur et à mesure qu'on boit qu'on devient dépendant. Alors, étant dépendant de cet alcool-là, est-ce qu'il n'y a pas des raisons qui amènent à recourir à l'alcool? Oui. L'homme a toujours trouvé des arguments. Il a toujours trouvé des arguments. Soit je suis timide, je voudrais effacer ma timidité, je veux causer avec une fille, j'ai honte d'elle, je ne peux pas arriver à la draguer. Non, j'ai un problème d'emploi. J'ai des soucis, il me faut tuer ces soucis-là dans la cloche. Les gens trouvent toujours des arguments pour boire. Les gens trouvent toujours des arguments pour boire. Mais ces arguments-là, en réalité, ça montre la faiblesse de l'homme devant ses responsabilités. Devant ses responsabilités. Moi, je veux parler. Je me lève en tant qu'homme créé à l'image de Dieu. Je vais parler aux gens. J'ai aimé une fille, je veux la marier. Par exemple, ma soeur à côté de moi, si je l'aime, je vais la marier. Si je n'étais pas marié, je lui dis, ma soeur, je t'aime vraiment. Je veux que tu sois ma compagne. Au lieu de faire recours à quelque chose qui change mon vécu. Parce qu'au fur et à mesure où tu veux changer ton vécu, ce que tu prends pour changer ton vécu, tu rends dépendant de lui. Oui, ça devient une drogue. C'est une drogue. C'est comme ça. Donc, ceux qui trouvent des arguments, je ne leur donne pas raison. Ok, merci. Amis auditeurs, nous étions à la toute première partie de notre série d'émissions sur l'alcoolisme. Et pour en parler, nous recevions le pasteur... Néan Félix. Il sera avec nous encore la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'alcool, son origine et comment est-ce qu'on devient alcooliste. Oui. Et nous serons encore vous la semaine prochaine pour parler des conséquences et des dégâts que cause l'alcool dans une vie. Emmanuel Yao a assuré la mise en onde. J'étais assisté de Aline Assa. Au revoir. Vivre libre, Raphaël Bonny. Vivre libre, liberté en Christ. Vivre libre, vivre libre. Une émission de Fréquence Vie.